sakinga nyongo na motema elimo santu aloti singa yonde balakanga pona makwela kasi natanga kana makanisi maya e yose la kakaka kalumba manga lelo na lembie tika na loba eloko moteme lingie tika na ebisa c'est une sorte de super champion comme Savo Seigneur Yeah. Pion, pion, pion, pion, pion, pion. Oh, mais